Et ils adorent en dehors d'Allah ce en quoi il n'a fait descendre aucune preuve et ce dont ils n'ont aucune connaissance, et il n'y aura pas de protecteur pour les injustes.